Donc, on va continuer ensemble notre étude sur le Sermon sur la montagne. Cette étude qui nous amène à étudier ce que le roi va déclarer pour commencer ce nouveau royaume, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Et ce n'était pas surprenant pour une culture qui sont habitués d'avoir des rois dans leur vie. C'était une chose courante à faire. Un nouveau roi présentait la nouvelle façon qu'il était pour diriger son royaume. Si vous regardez quand, dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament, vous avez le roi qui émet des édits pour donner des règles ou des lois pour diriger son peuple. Si vous regardez dans le livre de Daniel, c'est la même chose. Il y a des décrets emmenés par le roi Cyrus, Darius et les autres rois. C'était une façon de faire qui était normale. Donc, pour Jésus qui vient, il se présente comme le nouveau roi du royaume des cieux. Il était normal qu'ils disent comment ça va se passer dans ce royaume-là et comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour y rentrer dans ce royaume-là. Il y a des conditions pour y rentrer. On ne peut pas rentrer qui veut, dans ce sens que je rentre comme je veux, puis je fais ce que je veux. On ne peut pas rentrer dans ce royaume-là pour tirer seulement les bonnes parties du royaume, puis faire ce qu'on veut avec. Non, ce n'est pas tout à fait de même. Un royaume, c'est une place où on rentre pour se mettre sous la tutelle d'un roi, sous la tutelle de celui qui gère le royaume. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, qu'est-ce qu'il va dire, lui, qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux. Comme je l'ai dit dans les autres semaines, vous avez différentes façons de voir le sermon sur la montagne. Certains chrétiens le voient comme une exhortation ou les standards qu'il faut atteindre dans notre vie chrétienne, ou les standards qu'il faut essayer de viser dans notre vie chrétienne. Qu'il faut essayer d'être pauvre en esprit. Il nous faut être des gens, comme on voit ce matin, qui vont donner sans hypocrisie. Il faut être de ceux qui ne vont pas s'inquiéter pour demain. Mais qu'on parle de l'inquiétude. Je le vois un petit peu différemment. Jésus ne dit pas ces choses-là pour pouvoir qu'est-ce que nous devons faire dans le royaume des cieux. Mais il le dit premièrement pour qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une façon de vivre dans le royaume. C'est une façon de vivre pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus est en train de donner ici, parce qu'on va voir ce matin, il va dire, qu'il va le répéter à quelques reprises, « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et celle des scribes et des sadducéens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ça veut dire quoi, ça? On est encore en dehors. La foule à qui il s'adressait est encore en dehors. Puis la foule qui était là, qui écoutait avec les disciples, avait été élevée spirituellement par qui? Par les pharisiens et les sadducéens et les scribes. C'était eux autres leurs prêtres du temps. C'était eux autres leurs enseignants. Donc, normalement, ces gens-là, cette foule-là, vivaient leur foi un peu comme leur enseignant leur avait dit, les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Mais Jésus dit, dans le royaume des cieux, ce n'est pas tout à fait de même que ça marche. Et si vous continuez à vouloir atteindre cette justice-là que les pharisiens vous proposent, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On a une tendance chez les chrétiens de voir les pharisiens comme une espèce de gang de pervers. Mais moi, je vous dis, ma perception, les pharisiens, c'était les meilleurs gars de Notre-Dame. Socialement parlant, là, c'était les meilleurs gars de Notre-Dame. C'était pas des bandits, dans le sens qu'on entend aujourd'hui. C'était pas des criminels, dans le sens qu'on entend aujourd'hui. C'était pas toute une gang de débauchés, pervers, de drogués, de je sais pas quoi, je vous l'ai dit. C'était pas ça, là. C'était la crème de la crème, les pharisiens. C'était les candides du temps. C'était les sœurs Thérésa du temps. Fait que les gens visaient ça, les gens voulaient devenir comme ça. C'était les modèles de la société. Jésus n'a pas dit, si vous voulez devenir comme les comment est-ce qu'on appelle, non? Voyons. Zachée était un publicain. Merci, mémoire. Jésus n'a pas dit, il faut que vous deveniez comme les publicains. Si votre justice ne surpasse pas celle des publicains, tout le monde aurait dit, ben oui, on est meilleur que ça, ben oui. On est meilleur que les publicains, ben oui, on est bien meilleur. Ça a été facile pour eux autres. Ils auraient compris, là. Mais là, il leur dit, non, vous devez être meilleur que les meilleurs. Votre justice doit surpasser celle des pharisiens. Et il me semble, on était dans la foule, on aurait tombé assis à terre, j'aurais tout fait. Peine perdue. J'ai livré jamais. Vous savez, c'est ça que j'ai fait quand j'avais 15 ans? J'ai parlé au prêtre, j'ai dit, s'il faut que je devienne comme vous pour entrer au royaume des cieux, jamais je serai capable. Et vous n'êtes même pas capable, vous, de faire ce que vous nous dites de faire. Et c'est ce que le matin Jésus va leur dire, voici ce que vous devez faire pour entrer dans le royaume des cieux et que votre justice surpasse celle des pharisiens et des sadducéens. On a vu la première semaine que Jésus a dit, je vais vous parler d'une nouvelle façon d'être heureux, versets 1 à 12. Une nouvelle façon d'être béni. Le mot béni, en anglais, c'est blessed. Il y en a qui m'a dit le jour que je disais pas la bonne façon, blessed. Pas blessed, comme je disais, mais donc blessed, avec un T. Je l'apprends. Oui, mais c'est avec, il faut prononcer T. Blessed. Oui, c'est ça qu'ils nous ont dit, c'est ça qu'ils m'ont dit. C'est parfait. Bon, ben, j'étais correct. Vous êtes tous corrects avec béni? On va prendre béni. Jésus dit ici, ceux qui vont être bénis, ceux qui vont recevoir la bénédiction de Dieu, c'est ceux qui, non pas qui vont être comme les pharisiens, les bons gars, c'est les humbles. Les pauvres en esprit, les débonnaires, les doux, les humbles de cœur, les cœurs purs, ceux qui acceptent d'être persécutés, ceux qui acceptent d'être rejetés, c'est les humbles. Si jamais vous mettez la main un jour sur un livre de Murray Andrew, ou Andrew Murray, il dit dedans, la source de toute bénédiction spirituelle, c'est l'humilité. L'homme doit avouer qu'il n'est pas capable de plaire à Dieu. Jésus dit, si tu t'humilies, je vais te bénir. Si tu dis que tu es une bonne personne, je vais te maudire. Qu'est-ce que tu dis que tu es ce matin? Tu es une bonne personne? Ouvre-toi. Ouvre-toi. Dans le royaume des cieux, si tu veux y entrer, il faut que tu sois humble. Ça veut dire que tu reconnais qui tu es. L'humilité, c'est faire attention. L'humilité, ce n'est pas de se voir pire que l'autre. L'humilité, c'est de se voir comme Dieu nous voit. Ça, c'est la vraie définition d'humilité, selon moi. L'humilité, un homme humble ou une femme humble, c'est elle se voit telle que Dieu le voit. Pas plus haut, pas plus beau. Elle se voit comme Dieu le voit. Et Dieu nous voit pécheurs perdus. Et on se voit pécheurs perdus en tant qu'être humain. Ça, c'est la première chose qu'on a vu. La deuxième chose qu'on a vue du chapitre 5, verset 13 à 16, c'est une nouvelle façon, une nouvelle raison de vivre. Il dit, le monde dans lequel nous vivons, le monde vit pour se glorifier. Le monde vit pour se valoriser. Le monde vit pour avoir une raison d'être. Mais il dit, dans le royaume des cieux, si tu veux y rentrer, il faut que tu y rentres pour que Dieu soit glorifié. Tu ne cherches pas une place pour sauver tes fesses du feu, là. Et tu ne cherches pas une place pour trouver un petit paradis, là. Tu cherches une place où ce que tu vas aller, tu vas rentrer là pour glorifier Dieu. Il dit, tu vas vivre pour glorifier Dieu dans le royaume des cieux. Tu ne vis pas pour toi. Si tu ne veux pas faire ça, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. On rentre dans le royaume des cieux, on accepte l'Évangile, on accepte d'être sauvé, on désire être sauvé pour pouvoir servir Dieu. Peut-être que vous avez fait la même erreur que moi. Vous avez accepté Jésus dans votre vie pour être sauvé de l'enfer. C'est correct. Mais ce n'est pas la bonne raison. La vraie raison, c'est pour servir Dieu dans le ciel. Parce que si vous voulez aller au ciel juste pour sauver vos fesses du feu, ben, vous ne rentrerez pas. Ça, c'est ma compréhension. Vous ne rentrerez pas. Dieu n'a pas dit, je vais te sauver les fesses du feu, puis tu vas pouvoir rentrer, avoir un petit paradis, là, tu vas être bien, là, je vais prendre soin de toi pour l'éternité. Dieu, ce n'est pas votre serviteur, vous n'avez pas compris. Dieu n'est pas votre serviteur, il n'est pas le mien non plus. C'est nous autres les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas lui qui est notre serviteur. Il faut comprendre ça. Il dit, dans le royaume des cieux, tu vas y rentrer seulement que si tu y rentres pour me servir. Troisième chose qu'on a vue, Jésus a parlé d'une nouvelle façon d'interpréter la loi. Il dit, je ne vous demande pas d'accomplir la loi, mais il dit, tout ce que la loi a dit, je vais l'accomplir. Je ne vais pas abolir la loi, je ne vais pas changer la loi, je vais juste l'accomplir la loi. Je lui dis, moi je vais l'accomplir. Je veux, tout ce que la loi a dit, je vais le faire. Je vais l'accomplir parfaitement. Parfaitement dans le sens que Jésus n'a jamais manqué à une règle de la loi. Jamais manqué à, un commandement de Dieu. Il a toujours fait toute sa vie. De ce fait-là, il est devenu un être humain parfait. Il était parfait de sa naissance, mais il a vécu en tant qu'être humain parfait. Donc, en tant qu'être humain parfait, il a fait ce que la loi demandait aussi, c'est qu'il a offert un sacrifice parfait de sa propre personne afin de pouvoir nous sauver. Il dit, je vais accomplir aussi tout ce que la loi disait, tout ce que les prophètes disaient, parce qu'il a accompli toutes les prophéties qui concernaient le royaume de Dieu et qui concernaient le Messie. Jésus ne vous demande pas d'accomplir la loi. Il est venu parce qu'il savait que tu n'étais pas capable de le faire. Tu n'es pas capable de le faire. Je n'étais pas capable de le faire. Il n'est pas venu pour me dire, François, là, je veux que tu observes les 10 commandements. Là. Si tu observes les 10 commandements comme il faut, là, tu vas être un bon chrétien, tu vas pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Mais non. Il savait que je n'étais pas capable. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu me sauver de moi-même. Parce que je n'étais pas capable. Une nouvelle façon d'interpréter la loi. Parce qu'il dit au verset 19, et c'est là que nous sommes rendus, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait les pharisiens? Vous avez entendu dire aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous le dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te l'ai dit en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Premièrement, il dit, vous avez entendu dire que tu ne tueras point et celui qui tue est passible de jugement. C'est ce que les anciens enseignaient. Jésus leur dit, les pharisiens ont changé la loi. Parce que l'acte de tuer, c'est la manifestation d'un cœur qui est en colère. Il dit, moi je te dis, si tu as eu de la haine ou de la colère contre ton frère, il dit, tu es un meurtrier. Les pharisiens, les autres, se contentaient de ne pas avoir tué personne. Jésus dit non. Non. Si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, tu n'as pas avoir eu de haine pour personne. Oups. On vient changer les standards, vieux coussec. Qui d'entre nous ce matin devrait lever les mains et dire « Moi, j'ai jamais eu de haine contre qui que ce soit. J'ai jamais traité personne d'insensé ou de fou. Mon espèce de cave. » Ça, c'est traduit en québécois. Si vous me dites que je n'avais jamais fait ça de votre vie, je vais vous dire que vous êtes menteur. On l'a tout fait, n'est-ce pas? On l'a tout fait. Hein? Et Jésus dit, celui qui a fait ça mérite la gêne. Mérite la gêne. On l'a tout fait. Jésus dit, ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux ne doivent pas vivre ça. Parce que tu dis au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis. Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, il dit, les pharisiens vont vous dire que vous êtes correct si vous n'avez pas couché avec la femme du voisin. Mais il dit, moi, je vous dis que si vous avez convoité la femme d'un autre, vous êtes un adultère. Et les adultères, Paul a dit quoi? Paul a dit que les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. Jésus dit, votre justice doit surpasser celle des pharisiens. La tendance des religions, c'est de baisser les standards de Dieu assez bas pour pouvoir les faire. Quand j'étais jeune, mon père, ma mère, nous défendaient d'aller danser. C'était péché, aller danser. Et le prêtre disait que c'était péché d'aller danser. Et je me souviens la première fois, parce que j'étais allé à une danse quand j'étais jeune, et que j'ai vu le prêtre danser avec une jeune fille, ça m'avait scandalisé, au plus haut point. Ça m'avait scandalisé, ça. Ils nous ont dit que c'était péché, puis le prêtre l'a fait dans tout le monde. Et ce qu'il avait fait, il avait baissé les standards. Tout d'un coup, parce que tout le monde dansait. Si on maintient le standard, personne ne va venir à l'église le dimanche matin. Vous comprenez mon affaire? Ils ont juste baissé les standards, c'est devenu acceptable de danser. Et quand j'étais jeune, moi je l'ai vu de mes yeux quand j'étais jeune, j'étais à l'église, hein, j'ai vu le prêtre refuser de donner la communion à un divorcé. Aujourd'hui, on donne la communion à tout le monde qui passe. Divorcé à côté, trois fois, quatre fois, cinq fois, on n'en tient plus compte, on a baissé les standards pour pouvoir être accepté, parce que si on ne donnerait plus la communion maintenant aux divorcés, aux séparés, aux à côté, on ne donnerait quasiment pas personne dans les églises. Hein. On baisse les standards. C'est ça que les êtres humains font. C'est ça que les pharisiens avaient fait. Jésus dit, moi, je vais mettre les standards à la bonne place. Si vous avez commis une convoitise dans votre tête envers un homme ou une femme, vous êtes un adultère. Hein? Et Jésus a dit, hein, au verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir un adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ici, Jésus brise toutes les coutumes de son temps. Comme il fait aujourd'hui ici, à notre culture, à nous. Quelqu'un qui lit ça du verset 27 au verset 32, puis qui dit, c'est ça qu'il faut que je fasse pour entrer dans le royaume des cieux, jamais j'y entrerai. N'est-ce pas? Juste ce petit bout-là, on n'a pas besoin des autres, juste ce petit bout-là. Si je regarde ce petit bout-là et je dis, si c'est ça que Jésus veut, si c'est ça que Dieu s'attend de moi, j'entrerai jamais dans le royaume. Mais je n'ai pas le droit de changer les standards. Il faut que je les accepte comme c'est marqué. C'est marqué là. Jésus a dit, c'est comme ça que je veux que vous viviez. C'est comme ça, là, dans mon royaume. C'est comme ça dans mon royaume. Mais aujourd'hui, l'adultère, c'est devenu acceptable. C'est devenu la règle. C'est devenu la façon de vivre. Plus personne en a honte. Plus personne en pleure. Plus personne en a honte dans ce sens-là. On est, et même, moi, quand je dis aux gens, j'étais marié 35 ans avec la même femme, on me met quasiment en pleine face. C'est moi qui est devenu le ridicule. C'est moi que je suis l'épais. Je suis le niaiseux de la société. On a pas mal changé les standards, voyez-vous? On a pas mal changé les standards, n'est-ce pas? Jésus, lui, il dit dans le royaume, c'est ça. C'est ça. Et je n'ai pas le droit de changer. Si je vis en bas de ça, je suis fait à l'os. C'est la gêne. Essayez de vous imaginer quelques instants, assis là, sur la montagne des béatitudes, et que Jésus il prêche, puis c'est ça qu'il dit. Tout le monde a la face longue, tout le monde est débiné, tout le monde se pose à... Mais qu'est-ce qui se passe, ma foi? Mais il devait en avoir quelques-uns dire, « Ben, c'est pas vrai, c'est un faux prophète, il exagère, il en demande trop. » Là, il devait justifier leur façon. Hein? C'est de l'être humain comme ça. Jésus dit non. Et qui d'entre nous n'a jamais eu une convoitise pour la femme d'un autre? Qui a jamais eu la convoitise pour l'homme d'un autre? Je ne vous pose pas la question, ça se répond... Vous avez, verset 33, c'est marqué, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous le dis, ne de jurer aucunement, ni par le ciel, ni parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peut répondre blanc ou noir, tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui ou non, non, non, et que ce qu'on ajoute vient du malin. Jésus est en train de dire ici, il dit, je ne veux pas que vous parjuriez. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? De se parjurer. Beaucoup de chrétiens ont dit, ah, les chrétiens n'ont pas le droit de mettre la main sur la Bible, à partir du verset-là. Ben non, ben non. C'est pas ça qu'on parle. Il faut juste dire la vérité. Ce que tu déclares être vrai, que ce soit vrai. Tu n'as pas besoin de mettre ta main à quelque part et je prends Dieu à témoin que ce que je vais dire, c'est la vérité. Tu fais juste dire la vérité, ça suffit. Fais juste dire la vérité. Quand tu parles, dis la vérité. Combien de fois vous mentez par jour? Combien de fois je mens par jour? Je ne vous dirai pas le chiffre parce que je vais compter de mentir. Combien de fois? Nous, on pense que... Mais on ment, on est des menteurs. Hein? De par nature, on est menteurs. On exagère les choses, on les diminue, on ne dit pas tout à fait la réalité. Ah, c'est vrai ce qu'on dit, mais... Tu sais, j'ai levé 2 livres, mais j'ai dit que j'avais levé 2 livres et quart pour paraître mieux. Combien de fois on compte des mentir? On parle avec les jeunes nous posent des questions, puis on leur dit, ça va bien? Oh oui, ça va très bien, mais ça va pas bien, l'affaire, mais c'est pas grave, on dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi. On compte des mentries. On dit pas toujours la vérité, n'est-ce pas? On dit pas toujours la vérité. Jésus dit, dans le royaume, il faut pas que tu te parjures. Ce que tu déclares être vrai, il faut que ce soit vrai. Que ce soit vrai. Au verset 38, excusez. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous le dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Wow! Pas évident, ça, hein? Vous savez la coutume dans ce temps-là? Un soldat avait le droit, hein? quand il y a un soldat romain, il avait le droit de passer au côté de toi et dire prends ma boîte et traîne-le un mille ou un kilomètre avec moi. C'était une loi, c'était une règle, il avait le droit de le faire. Mais Jésus dit s'il te le demande, puis quand un juif se faisait demander ça par un romain, il portait, mais salut, je vais faire ton kilomètre, mais même j'ai fini, tu vas avoir la terre, ta boîte. Il le faisait, mais avec règne, se sent forcé. Jésus dit ben non. Quand un soldat te demande de prendre ta boîte et l'emmener pendant un mille, il dit fais-en deux. Or, dis un mille gratos. Le dis à la mère. Il dit quelqu'un te frappe sur la joue droite, or, dis la joue gauche. Quelqu'un qui te vole ton manteau, offre-lui la cravate qui va avec. Donne-lui la chemise qui va avec. Eh, mon ami, c'est pas ça que je vis. Ce qu'on entend aujourd'hui, tu vas respecter mes droits. J'ai des droits, hein? Les droits de la femme, les droits des enfants, les droits des hommes, les droits des syndiqués, les droits. Tu vas respecter mes droits. Si tu ne respectes pas mes droits, je t'emmène en cours, tu vas payer pour. C'est ça qu'on fait, hein? C'est ça qu'on fait, c'est une société. Une société. Jésus, il n'est pas en train de dire, là, il n'est pas en train de dire, si quelqu'un te donne un bon coup de poing ou une bonne claque dans la face, je pense que ça, quand tu vas l'insulter, il va t'en donner un autre, ben arrête, tu sais. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Si quelqu'un qui te fait du mal, faut lui faire du bien, même si ça t'expose à ce qu'il te fasse du mal une deuxième fois. Il n'est pas en train de dire si quelqu'un te donne, t'es en train de donner une bonne volée, cours pas, va-t'en pas, laisse-le et laisse-le te battre. Mais non, il n'est pas un punching bag qu'on est là, tu sais. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais si quelqu'un te fait du mal, va lui faire du bien au risque qu'il te fasse mal une deuxième fois. C'est ce qu'il est en train de dire. Et souvent, c'est un risque qu'on prend. Vous savez ça? C'est un risque qu'on prend. Si on fait du bien à quelqu'un qui nous a fait du mal, ça se peut qu'il nous fasse du mal en retour. Mais Jésus, c'est ça qu'il a fait, lui. C'est ça qu'il a fait. C'était lui l'exemple parfait. On lui a fait du mal, puis il a tendu l'autre jour. Il s'est exposé, il nous a fait du bien. On lui a fait du mal, il est venu vivre parmi nous pour nous faire du bien. On lui a fait encore du mal. L'être humain, il l'a tué finalement, il l'a mis sur la croix. On lui a fait encore du mal. Mais en venant vivre sur la terre, parmi nous, il s'est exposé à avoir une autre claque sa gueule, puis il l'a eu la deuxième claque sa gueule. Il s'est exposé, puis il l'a eu. Il dit, ne te détourne pas de celui qui t'a fait du mal, ou au contraire, va lui faire du bien. C'est dit autrement dans la Bible à plusieurs reprises, combattez le mal par le bien, c'est la même affaire, c'est la même vérité. Ne te venge pas, laisse Dieu se venger. Toi, fais-lui du bien à cette personne-là. C'est la loi du royaume. Dans le royaume, c'est comme ça. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maudissent. Faites du bien et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh! Standard du royaume des cieux. C'est quoi le standard? Perfection. Il ne dit pas essayez d'être aussi bon que telle personne dans votre société. Il dit essayez d'être aussi bon que le pasteur, ou essayez d'être aussi bon que le prêtre, ou essayez d'être aussi bon que Joe Blow dans votre société qui est un héros. Votre modèle, c'est Dieu. Et son standard, c'est la perfection. Il dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Je me souviens comme c'était hier, la première fois que j'ai lu ça, je suis allé prendre ma Bible, je suis allé voir le pasteur. Je dis, monsieur le pasteur, je dis, je ne comprends pas rien. Je ne peux pas être parfait. Je ne peux pas être parfait, là. Je dis, c'est quoi l'affaire? Puis il dit, je le connaissais un petit peu depuis quelque temps. Je dis, monsieur le pasteur, vous non plus. Puis au grand découragement de ma femme, elle ne l'est pas non plus. Parfait. Mais il dit, je ne peux pas baisser. Il dit, faites pas comme les pharisiens. Les pharisiens baissent les standards pour que, être acceptés dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas baisser les standards. Si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, parce que vous voulez la perfection, si vous ne voulez pas la perfection, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. On n'essaie pas de faire notre mieux à l'Église. Jamais. On n'essaie pas de faire de notre mieux dans la vie chrétienne. On vise la perfection. On ne sera jamais content moins que la perfection. Parce que c'est notre Père qui est comme ça. Notre Père est comme ça, puis il nous dit, je veux que tu sois comme moi. C'est normal, n'est-ce pas? C'est normal qu'il nous demande ça. Il ne peut pas baisser le standard. Dieu ne va jamais demander trop. Combien de gens, depuis 30 ans, m'ont dit, Dieu est trop sévère, il demande trop. Il dit, il ne peut pas demander moins de ce qu'il est lui. Lui, il est parfait, il ne peut pas baisser son standard. Il dit, demande la perfection, parce que lui, il est parfait. Et si vous lisez l'Ancien Testament, dans le lieu du temple, c'était la perfection. Puis Dieu disait tout le temps, vous ne rentrez là aucun animal qui n'est pas parfait. Parce que moi, ce que j'habite, c'est la perfection. Souvenez dans l'Apocalypse, quand il nous parle de nouveau sur la nouvelle terre, il dit, il va n'entrer là aucun pécheur, parce que c'est la perfection ici dans mon monde, à moi. C'est pour ça qu'après un péché d'Adam et Ève, il dit, tu sors de mon paradis, parce qu'ici, c'est la perfection. Tu ne peux plus rester ici maintenant, tu n'es pas parfait. Out you go! Puis l'autre, les êtres humains, on pense que Dieu va nous accepter parce qu'il est bon, il est fin, puis Dieu est donc bon, puis tout le monde va rentrer au ciel, puis Dieu ne condamne pas personne, Dieu est miséricordieux. Ils n'ont jamais lu la Bible, ceux qui disent ça. Ils n'ont jamais lu la Bible. La perfection. Il dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, c'est la perfection. Il dit, tu ne pourras pas te contenter des pharisiens. Comme les pharisiens, ils ont dit, ton frère t'offre quelque chose de beau, ben tu lui donnes quelque chose de beau. Il t'offre un cadeau de Noël de 30 piastres, tu lui fais un cadeau de Noël de 30 piastres. Yes! Hein? C'est ça qu'on fait, nous autres, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça qu'on fait. Mais je suis une qu'on fait ça. On se dit avant de partir, on sort des cadeaux pas plus que 50 piastres. Pas moins, parce que l'année prochaine, ils vont être moins d'autres, tiens. C'est comme ça qu'on fonctionne, les êtres humains, n'est-ce pas? Dites oui, je sais que c'est comme ça, vous faites. Ouais, on est comme ça. On fait des 4,30 sous pour une pièce. Tu m'aimes plus, je t'aime plus. Tu ne me grattes pas le dos, je ne te gratte pas le dos. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça. Et quand on se plaint, qu'est-ce qu'on est en train de dire aux autres? Vous vous plaignez pourquoi? On ne vous gratte pas le dos comme vous voulez. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il devait, que vous pensez qu'il devait vous faire. Il ne vous a pas fait ça. Donc, je ne peux pas rester avec ce gars-là ou cette femme-là, avec mes parents, parce que il me donne pas, il me donne pas ce que je mérite. Il m'en font pas autant que je mérite, moi. J'en mérite bien mieux que ça, moi. Mais non. Jésus dit, mais non. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, vous êtes comme les publicains et les gens de mauvaise vie. Oh. Nous, on appelle ça des gens de bonne vie. Des bonnes personnes, ça. Ils te redonnent ton 30 sous. Nous, on a dit, on applaudit ça. Ben oui, on applaudit ça. Et genre, es-tu gentil? Il m'a donné un cadeau. Ben oui, tu en avais donné un avant. Espèce de... Puis là, on applaudit ça. Nos standards sont tellement bas qu'on applaudit ça. Mais c'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. Puis il nous dit, là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit, il fait du bien à tout le monde. Même celui qui se lève le matin en maudissant Dieu, Dieu lui donne encore de la chaleur, Dieu lui donne encore de l'air à respirer, Dieu le nourrit encore, Dieu lui fait du bien encore. Même s'il maudit Dieu toute la journée, Dieu continue à lui faire du bien. Il dit, je vous demande de faire la même chose, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Parce que moi, Dieu, François, je t'ai fait du bien pendant que tu me faisais du mal. Je t'ai fait du bien, moi. Je t'ai fait du bien. Tu étais un pécheur, tu étais un révolté contre moi, et je t'ai envoyé mon fils pour te sauver. Je t'ai fait du bien pendant que tu me faisais du mal, et dans le royaume des cieux, c'est comme ça qu'on vit. On fait du bien à ceux qui nous font du mal. C'est très pesant, ça. Hein? C'est très demandant. Et je vous dis, si vous essayez de mettre ça en pratique dans votre vie, de ne pas vous venger et de faire du bien à ceux qui vous font du mal, si vous essayez, vous allez jamais réussir, et tout ce que vous allez vouloir faire, vous allez faire comme les pharisiens, vous allez baisser les standards pour vous sentir bien dedans. Et savez-vous ce que vous allez faire? Pour ça, vous allez condamner tout le monde. Vous allez condamner tout le monde. Vous allez baisser les standards pour que vous autres vous sentiez bien, et à ce moment-là, vous allez condamner les autres. C'est ça, des méchants, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas que je les aime. C'est ce qu'on fait, l'être humain. C'est ce qu'on fait. Et Jésus aussi, il dit non. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le royaume des cieux. C'est pas comme ça. Il continue. Moi, en tout cas, j'aurais été prêt à arrêter là. Il y a encore deux chapitres. Il y a encore deux chapitres de ce même sermon qui continue à mettre ça sur les pharisiens qui sont là, sur la foule, sur les scribes qui sont là, sur les disciples qui sont là, sont tous là, toute la gang. Et là, il continue à en mettre. Chapitre 6, verset 1. Regardez ce qu'il dit là. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais au monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que tu as fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et que ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ici, il va parler de trois ou quatre sujets. Il va parler des aumônes, de la prière et du jeûne. Et il va ramener toujours la même vérité. Faire les choses pour être vu de Dieu. Faire les choses pour être vu de Dieu. Il dit, dans les religions du monde, dans la société dans laquelle tu vis, chez les Juifs, dans ce temps-là, pour nous autres aujourd'hui, il dit, les gens font les choses, pratiquent leur religion pour être vus des hommes, pour être entendus des hommes. Mais dans le royaume des cieux, les gens désirent être vus par Dieu. C'est ce qu'ils recherchent. Ils veulent être vus par Dieu. Ils font leurs choses pour Dieu. Et les pharisiens avaient cette habitude, quand ils donnaient de l'argent, ils sonnaient de la trompette. Et ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, ce n'est pas marqué dans la Bible comme ça, mais il y avait des trônes. Et les trônes, les boîtes, là, étaient en métal. Et plus tu en donnais, bien plus ça sonnait. Et tout le monde qui était alentour avait entendu, « Oh, il a fait une grosse offrande. » jusqu'en bas. Il a dit, « Wow! » Mais si quelqu'un qui mettait un petit corps dessous, comme la veuve, « Ding! » Il n'a pas donné beaucoup à matin, lui. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il sonnait de la trompette, il voulait que tout le monde les voie. Ah, je me souviens toujours. On va changer mon panier, on va enlever nos enveloppes, puis on va accepter juste du change. Je me souviens toujours qu'à un moment donné, il y avait un homme que je connaissais très bien. Et c'était un homme qui était généreux, il donnait beaucoup d'argent au tiers-monde, aux gens pauvres, il en donnait beaucoup. Mais il n'était pas capable de s'abstenir à quelque part de le dire à tout le monde. À tout bout de champ, il voulait qu'il nous dise à quelque part, d'une façon quelconque, dans une soirée de famille ou à quelque part, il finissait par nous dire qu'il avait donné de l'argent aux pauvres. Il voulait être approuvé par les gens, il voulait être vu par les gens. Jésus dit, c'est ça que tu voulais? C'est ça que tu as eu. Tu l'as eu ta récompense, mon chum. Combien de fois nous faisons les choses, nous donnons pour être vieux? On va vous donner un défi. J'essaierai ça. Mettez des cadeaux l'année prochaine autour de l'arbre de Noël. Ne marquez pas aucun nom dessus. Qui l'a donné? Vous ne vous savez pas qui l'a donné. Vous allez voir ce que ça va vous faire. Vous allez voir ce que ça va vous faire. Le gars va ouvrir son cadeau. Il dit, waouh, c'est beau, j'aime ça, c'est tout ça. Mais tu ne sais pas qui? Là, tu es tout. Tu vas voir la vie, tu dis que c'est toi. On veut que l'on sache que c'est nous qui l'a donné. On veut ça. On veut être vu. On veut que les gens sachent que c'est nous. On n'aime pas l'anonymat. On n'aime pas ça. On veut que les gens... Ça, on est toujours en train de se vanter, hein, de parler de ce qu'on fait aux gens. On aime-tu ça, de faire ça? Aimez-vous ça, vous autres? Ben oui, vous aimez ça. Je vous connais. Je suis avec vous autres depuis 7 ans déjà. 8 ans bientôt. Je vous connais. Vous me connaissez. On aime ça, parler de nous. On veut que l'approbation des gens. Et Jésus dit non. Tu devrais chercher mon approbation à moi. Quand tu donnes, il dit donne pour que moi je le vois et que moi je sois heureux. On a vu la semaine passée que ça fait la joie de Dieu. Quand je donne, ce que je veux, la joie de Dieu. Je veux que Dieu soit heureux. Il s'en fout de mon argent. C'est pas ça. C'est juste qu'il est heureux de voir que mon cœur veut quelque chose pour lui, que je désire lui faire plaisir à lui. Je désire le glorifier lui. Et là, lui est heureux. Et si tu cherches ça, si c'est ça que tu cherches, je, moi, veux te le rendre. C'est ce qu'il dit, hein? Dieu te le rendra. Si tu le fais dans le secret, Dieu va te le rendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Dieu va te rendre? Si tu as donné 10 piastres, il va te donner ton 10 piastres? Mais non! Si tu as donné 10 piastres, il va t'en remettre 10 fois plus, 100 piastres! J'ai entendu ça, moi, même à les prédicateurs chrétiens. Donne-le au Seigneur, il va te le rendre! 100 fois plus, au centuple! Ben, en tout cas, je ne suis pas 100 fois plus riche que ce que j'ai donné. Ça ne marche pas si c'est ça. Ça ne marche pas si c'est ça. Si c'est pièce pour pièce, là, essayez-les. J'ai vu des chrétiens s'endetter à donner des offrandes. Hein. J'ai vu des chrétiens s'endetter pour donner des offrandes parce qu'ils croyaient qu'ils recevraient au centuple. Ils ont reçu juste des factures de plus. Tu ne donnes jamais pour recevoir, c'est une insulte. C'est une insulte. C'est une insulte. Mais tu donnes parce que tu aimes la personne. Ici, c'est la personne de Dieu. Tu donnes pour être vu de Dieu. Dieu dit, je vais te le rendre. Si tu fais les choses pour moi, je vais te le rendre. Savez-vous comment est-ce qu'il va le rendre? Comment est-ce qu'il va nous rendre ça? Il dit, tu vas pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Parce que tu fais ça pour moi. Tu veux vivre pour moi, tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que quand on a accepté le Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Seigneur, je te donne ma vie. Tu peux rentrer. Tu me donnes ta vie pour moi? Tu peux rentrer. C'est bien plus que notre 10 piastres. Hein? C'est bien plus que l'offrande que vous pouvez donner à l'Église. Et j'ai donné ma vie. Si tu n'as pas donné ta vie, mais tu l'as encore. Tant pis pour toi. Si tu veux la garder, ta vie, garde-la. Mais il dit, si tu me la donnes, là ici, il parle de donner de sa vie, en guillemets, parce que tu donnes ton bien. Il dit, tu donnes ton bien pour être vu de Dieu. Tu veux faire ça pour Dieu. Il dit, je vais te la rendre. Tu vas rentrer dans le royaume des cieux avec moi. On ne vit pas notre vie chrétienne pour être vu des hommes, n'est-ce pas? C'est très inutile. Le port du temps... Même si vous donnerez votre vie pour moi, je ne serai pas reconnaissant. L'être humain n'est pas capable de faire ça. Après ça, il va dire quoi? Verset 5. Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment Non, je ne commence pas, je n'ai pas le temps de le faire. Je dois là, il reste jusqu'à 5 minutes. On va faire une conclusion. Est-ce que ça vous écrase, ça? Hein? Si ça ne vous écrase pas, ça vous écrase. L'être humain, quand il entend Dieu parler comme ça, le fait que Jésus veut que ça produise, c'est que ça écrase. Jésus veut rendre l'être humain humble. Parce que l'être humain, on dit que l'être humain est orgueilleux. Hein? On est orgueilleux. Donc, on se croit bon, on croit qu'on est capable de faire les choses pour Dieu. Et Jésus, il dit, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, il faut que tu sois humble. Et je vais te rendre humble, je vais te dire des vérités, et qui vont te rendre humble. Si je te dis de sauter par sa chaise, tu vas t'orgueiller parce que tu es capable de sauter par sa chaise. Mais si je te dis tu dois sauter par-dessus l'édifice, tu vas devenir humble. Tu vas dire, François, je ne suis pas capable. Tu vas être obligé de me dire. Si tu me dis que tu es capable, de me dire, en plus de ne pas être bon, tu es fou. T'es fou. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il nous rende humble. On n'est pas capable, Seigneur. C'est quoi? Il veut qu'on crie. Je ne suis pas capable de faire ce que tu me demandes. Je ne suis pas capable d'être humble comme ça. Je ne suis pas capable d'aimer mes ennemis comme ça. Je ne suis pas capable de faire ce que tu me demandes. Je ne suis pas capable de vivre juste pour toi. Je ne suis pas capable de faire juste ça. Ça je ne suis pas capable. Il va dire à la fin, je vous l'ai dit, je vais vous dire à chaque fois, à la fin du sermon, il va dire, ce que tu n'es pas capable de faire, demande-moi-le et je vais te le donner. C'est ça qu'il veut qu'on fasse. À la fin du sermon, il va dire, tout ce que vous voulez, demandez-moi-le et je vais vous le donner. Nous, on pense à nos foutus bébelles. Mais tu n'es pas capable de vivre pour moi. Tu n'es pas capable de faire ça. Demande-moi, je vais te le donner. Je vais te donner la capacité de vivre pour moi. Je vais te donner la capacité d'aimer ton ennemi. Je vais te donner la capacité de faire ça. Je vais te donner la capacité d'entrer dans le royaume des cieux. Il ne pense à pas là, à nos patates, puis nos pommes, puis nos TV, puis nos maisons, qu'il n'y a rien de mal à avoir, mais ce n'est pas ça qu'il pensait à lui. Il t'a fait 3 chapitres. Que je te dis des choses que tu devrais faire. Et ce que je désire, c'est que tu comprennes que tu n'es pas capable. Et que tu vas me le demander. Tu vas me le demander. Frappe à ma porte et je vais l'ouvrir puis je vais te le donner. Dis, demande-moi-le et je vais te le donner. Demande-moi-le. C'est tout ce qu'il veut. Tu n'es pas capable. Demande-moi-le. Demande-moi-le. Et quand on le demande, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un miracle. Ça prend un miracle, ça. Ça ne prend pas autre chose que ça. Êtes-vous capable d'en faire? Non, moi non plus. Demandez-le. Fais un miracle dans ma vie, Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle, dans la vie chrétienne, la nouvelle naissance. Il nous fait naître de nouveau pour qu'on puisse vivre dans le royaume des cieux. Il n'était pas capable de faire tout ce que je te demande? Mais il dit, je vais te pardonner et je vais te faire naître de nouveau. Et tu vas rentrer dans le royaume des cieux avec moi. Parce que dans mon royaume, il y a seulement les parfaits qui rentrent là. Et vu que tu n'es pas capable de te rendre parfait toi-même, je vais te rendre parfait et tu vas pouvoir rentrer avec moi dans le royaume des cieux. C'est pour ça que Paul va crier. Je pense que, en tout cas, je pense dans ma tête qu'il crie. Nous qui sommes parfaits en Jésus, on peut entrer dans le royaume des cieux et vivre là dans la présence de Dieu. Parce qu'on est continuellement parfait malgré qu'on n'est pas capable de faire la perfection. Lui, il nous rend parfait par le sang de Jésus-Christ. Il dit ça dans Hébreux 10 aussi. Il nous a rendus à la perfection une fois pour toutes. Pour qu'on puisse vivre dans ce monde-là avec lui, dans ce nouveau royaume-là. Il n'a pas baissé les standards, lui. Il nous fait un miracle, hein, sans changer les standards. Il nous fait un... Et je vous dis, quand on va être rendu au ciel, toute la gang, là, on est sauvés, là, mais on va vivre ça parfaitement. Il n'aura pas baissé les standards. C'est comme ça que ça va se vivre dans le royaume des cieux. C'est comme ça que ça va se vivre. Il n'y aura pas de chicane avec les anges. On ne dira pas un, tu as des plus belles plumes que moi. Il n'y aurait pas de chicane, il n'y aurait pas rien, il n'y aurait pas de... On va vivre juste pour la gloire de Dieu à 100%. Tout va être parfait, parfait, parfait. Avoir hâte d'être là? Oh, j'ai hâte d'être là. Souvent, je dis le soir, à me coucher, Seigneur, si tu viens me chercher cette nuit, je ne t'en voudrais pas demain matin. Je ne t'en voudrais pas demain matin. Pour appartenir n'importe quel. N'importe quel. Parce qu'on sait très bien que c'est nos bords la vraie vie. Pas ici. Quand ma fille est partie, il y a 4 ans, j'ai dit au Seigneur, es-tu chanceuse, ma foi? Là, il est en train de faire un épitaphe pour aller pour sa tombe. On va marquer dessus. Enfin, en paix. Enfin. C'est fini. Nous, on n'est pas en paix. 100% dans le monde, on vit ici. Mais elle a mis le fin. Elle a atteint le but du voyage, la présence de Dieu. J'attends juste le jour où je vais aller dans le jour. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu es un Dieu parfait et tu ne peux pas demander moins que la perfection. Mais comment que nous te bénissons ce matin, comment nous te glorifions que tu nous as rendus parfaits en Jésus. Oh Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas atteint cette perfection-là en Jésus, puisses-tu donner la grâce qu'il te demande. Qu'il puisse s'humilier devant toi et dire, Seigneur, je ne suis pas capable de faire ce que tu me demandes. Sauve-moi, purifie-moi, rends-moi parfait par le sang de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer pour l'éternité. On veut se joindre à cette multitude qui est déjà dans le ciel et qui chante tes louanges déjà depuis toute éternité. Nous voulons chanter avec eux. Nous voulons chanter avec eux. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Levons-nous, on va chanter un dernier chant, si vous voulez bien.